CFOU 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui, Assemblage requis. David Ferron essaiera la langue dans ton oreille pour te faire écouter de la bonne musique francophone. François Landry sera de retour avec son habituelle mais fascinante chronique politique Logographie 601. Et on fera le tour des sorties de la région avec Joanie Gagnon. Assemblage requis commence maintenant. Bonjour, bienvenue à Assemblage requis en ce jeudi 3 octobre 2013. Il est Jean-Philippe Charbonneau. Il est Mathieu Plante. Oui, bienvenue à notre belle petite émission en pièces détachées, toi. Ben oui, mais il faut faire le montage. Ben c'est ça, faut... Tu sais, on devrait faire chaque affaire individuellement le matin. OK. Tu sais, chaque scène, on les tape. Oui. Une après l'autre, tu sais, comme mettons, bon, OK. Là, on tape le début. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Puis après ça, on pourrait mettre la musique, ce serait pas pire. OK. 3, 2, 1... Le plan... Non, ça va être plate, ça va être plate. Ah! Il est Mathieu Plante! Hey, il est Jean-Philippe Charbonneau! Il est David Ferron plus tard. Ouais, c'est ça. Ben, David Ferron est là. Oui. Dès le physiquement. Début, physiquement présent. Check. Ça y est. Je savais. Il s'est mis la main sur ta main comme la tradition le veut. C'est un contrat, je crois, signé. C'est comme donner son âme. Une tradition qui pourrait ne pas perdurer. Une tradition qui continue. Non, ça, c'est une histoire d'eau qui continue. Je pense les histoires de bain. Je t'attendais. De danse dans ma tête. Oui. Donc, David Ferron, qui normalement serait à 8h, va être à 7h45 aujourd'hui. François Landry va être aussi avec nous pour sa chronique Logocratie 101. Au lieu d'être à 8h30, il va être à 8h15. Et Joanie Gagnon, avec la chronique de sortie Alors on sort, qui est à 9h d'habitude, va être à 8h45. On dirait quasiment qu'on décale de 15 minutes toutes nos chroniques. Pour c'est comme... Mettons qu'il arrive quelque chose. Mettons qu'il arriverait d'ici la fin de l'émission, ça se pourrait. Dans, mettons, à peu près 2h, mettons 1h45, ça se pourrait qu'il se passe quelque chose. Mettons qu'il y a quelque chose qui pourrait dire une situation d'urgence. Oui. Vous demande de... Fait que si ça devait arriver, il faut être prêt pour ça. T'sais. Oui, on n'est jamais assez prêt. C'est comme les devins, là, mystiques Madame Moustache, qui avait dit dans le temps que la fin du monde serait le 3 octobre 2013 à 9h15. Oui, moi tantôt, j'ai voulu aller au guichet pour m'acheter un café, puis j'ai demandé deux vins. Deux vins. Deux vins! Deux vins! Oh, je m'étouffe, c'est drôle! C'est carrément. Bravo. Merci, je suis en forme. Donc, aussi à l'émission d'aujourd'hui, ben, en fait, je pense que c'est pas mal tout pour les chroniqueurs. On n'aura pas vraiment de temps, Colin, de temps pour des chroniques maison aujourd'hui, à moins que je me trompe. Ça va bien aller, on devrait remplir ça. Jam-packed, notre petite émission écourtée d'aujourd'hui. On va débuter en musique avec une nouvelle entrée du palmarès anglophone. Vous allez la réentendre cet après-midi, mais je voulais que vous soyez comme moins brusqués parce que ça peut prendre par surprise tellement c'est bon ces nouvelles entrées-là. Donc on s'en va entendre la position, je crois que c'est la 19e du côté anglophone. Tout à fait, Dirtic. The Dream in the Ditch. Ouais. On dirait que j'avais appris mon texte par cœur, genre le palmarès, avant l'émission d'aujourd'hui. Je suis comme un acteur, hein? Oui. Nous, en fait, on lit ce qu'il y a sur une vitre. Sur un télésouffleur. Il y a quelqu'un qui écrit, mais maudit qui écrit mal. C'est ça. ou encore, blague alternative, prise 2. Oui. On n'a pas de budget pour un télésouffleur, donc c'est littéralement David Ferron qui me susurre à l'oreille le script de l'émission d'aujourd'hui. Oui. Comment? Qu'est-ce que tu veux? Ah, je t'aime. Je t'aime, me dit-il. Oui. Ah, c'est touchant! Mais j'aime mieux qu'il me touche comme ça que de toucher à la main, même. Ouais, toi au moins, t'as une distance. On s'en reparle. Moi aussi, même. Ah, cool! Wow. Mais il s'aime pas lui-même, c'est ça qui est triste. Well, the dreams in the ditch. Now the kids are all pissed. But it's not new to hate what they make you do. First they pull all your teeth, then they want you to eat. Well, get over it, kid, you don't want any part in it. But it's not the way you can afford your time, or the envy of the friends you left behind. So buried your dream. this year. This is it. But it's not the way you can afford your time, or the envy of the friends you left behind. So whenever you go, they can have everything you move. This is it. Dirtix. Oui, The Dream in the Ditch. In the Dick? In the Dick. Dreaming of the Dick? Oui, c'est, ah, c'est ben, le rêve de tout homme. C'est drôle ce matin, comment ça va me réveiller, parce que j'ai un rayon de... Un petit peu comme, comme Ginette Renaud chantait, là. Un rayon de soleil pour déjeuner. T'sais, j'ai comme allez, un... viens, oui. Merci, okay, David. Oui, okay, mais... David me ferme les rideaux, mais là, tu l'as plus ouvert que d'autres choses. Oh, non, mais t'as plus la trace dans ta face. Ah! T'as plus la trace dans ta face. Ça, ça rime bien, donc c'est un rap. C'est bon. Oui. David Ferron va nous chanter son intro d'ouverture à l'instant. Donc, la langue dans ton oreille s'en vient. Chante-nous l'intro de la langue dans ton oreille, un peu comme Miley Cyrus le ferait avec la langue sortie. Tu es un instant classique. Oui, moi je me dissocie de tout ça, Mathieu. On va-tu prendre un café? Ah, oui, allons-y. On va laisser. Laisse David. Y a-tu une alarme de feu, Kusson? Oui. Je continue à dîner avec ma langue poignée dans la table. Tout comme un sumo, tout ça, c'est lourd. Même le chat, il est fâché. Oui. Même le chat, il fait comme, hey, moi, là, c'est pas ma soirée. Comment, là? Moi, je m'en vais, là. C'est une attaque en règle contre moi. Oui. Oui. Qu'est-ce que je vous ai fait? Tu t'aides pas ben, tu sais. Tu me dis, oh, le beau montage d'un instant classique au palmarès, c'est fou. J'ai l'air d'un imbécile qui sort de l'asile. Ouais, ben, regarde ce que tu viens de faire avec Miley Cyrus, ben, 2 secondes. C'est pas moi qui t'a fait ça. Oui, c'est vous autres qui avez dit, hey, vas-y, David, je suis victime d'intimidation de la part des animateurs de C'est fou. Je veux profiter de cette tribune pour dénoncer cette espèce d'intimidation induite. Puis après ça, on fait exprès pour saler ma réputation. Puis là, je suis obligé, le dimanche après-midi, quand personne n'écoute la radio, d'animer. Brancher le monde. Oui, exactement. Avec mon moins, moi, je diffuse de la bonne musique de partout dans le monde. Oh, hein, nous autres, on est juste sur l'échelle genre nord-américaine. Ouais. Ouf. Vous êtes limité. Ouais, intellectuellement. Mais quel voyage extraordinaire, tout ça. Bonjour, ici Gustave. Alors, oui, c'est Gustave bon. Qui fait la chronique sexualité chez les personnes psychiatrisées. Et aujourd'hui, nous allons parler du nouveau film avec Juliette Binoche, c'est-à-dire Camille Claudel, 1915, qui vient de sortir récemment. Merci, Gustave, merci. En fait, aujourd'hui, je vous parle pas en tout de cinéma. Okay. Oui, mais c'est incroyable. Ouais. 1915, Juliette Binoche, tout. Oui, c'est vraiment un film qui est sorti récemment. Ça s'appelle Camille Claudel 1915, parce que c'est en 1915 que Camille Claudel a été mis en institut psychiatrique par sa famille, qui l'a trouvé un petit peu trop dérangeante. Et là, aller voir. Oui, puis il paraît que ça a été tourné vraiment avec des personnes qui sont vraiment psychiatrisées. Donc, c'est Juliette Binoche parmi des personnes qui sont vraiment en institut psychiatrique. OK. Intéressant. Oui, puis il paraît que comment le réalisateur l'a tourné, c'est comme une espèce de télé-réalité. Mais qui ressemble à... Mais c'est un script, dans le fond. Oui, exactement. C'est scénarisé, puis Juliette Binoche, c'est quand même pas n'importe quelle actrice. Vraiment. Donc, je sais pas ce qui nous a amené à parler de ça, parce que je pense que j'ai dit un mot, puis ça t'a amené vers... Ouais, j'ai trop d'imagination. C'est quand j'ai dit Gustave. Ouais. Bref. Donc, ça excite mes neurones. C'est la chronique de David Ferron et ses personnalités alternatives multiples à la langue dans ton oreille. On parle de musique francophone, comme on le fait toutes les semaines. Ben oui. Et tu as une thématique, comme toujours, tu choisis un thème là, que tes pièces ont rapport avec ça. Oui, et là, peux-tu la nommer, parce que je suis un peu gêné de la nommer, de nommer la thématique. C'était pas les femmes? Oui, exactement, mais ça s'appelait comment? Je pense que c'était pêle-mêle ou... C'était pêle-mêle. Oui, exactement. Pêle-mêle, comme Pamela Anderson. Oui. C'est ça. Il a fallu que je trace un petit peu dans ma tête. Oui, puis tantôt aussi, on va se faire un gros dîner, genre de job. On va se faire une grosse pêle. Paella. Oh, c'est comme Noëlla Champagne, mais qu'une paella. Oui. Oh, mais d'ailleurs, j'ai écouté Noëlla Champagne. Je l'ai vu de mes propres yeux samedi passé sur l'importance de l'enseignement en histoire à l'école, autant au cégep qu'au primaire qu'au secondaire, parce que c'est important l'histoire. Moi, ce que je trouve le fun avec Noëlla Champagne, c'est que tu peux la lever avec tes mains puis faire un chin-chin. Oui. Tu peux la sabrer aussi. Comme avec un champagne. La sabrer. Ah, sabrer. Tu peux la sabrer. Comme un ninja frais. Ça dépend des allégeances politiques. Chacun pour soi. Il y en a qui peut, c'est ça, la trinquer ou la sabrer, dépendamment de votre humeur politique. Exact. Mais là-dedans, on parlait des femmes. Oui, exactement. Et la première, en fait, il y en a trois. Pauline Lafeu, Pauline Julien. Pas Pauline Marois, puis ni le centre. Ah oui, le centre culturel Pauline Julien, c'est bien elle, c'est la même Pauline Julien. Oui, exactement, parce que Pauline Julien, c'est une trifluvienne d'origine. Mm-hmm. Qui a habité justement au Cap de la Madeleine durant son enfance. Après ça, je vais vous parler de la révélation franco-alterno Odile. Et ensuite, je vais vous parler de Brigitte Fontaine. Mais d'abord, concernant Pauline Julien, qui est née en 1928. Pourquoi je vous parle de Pauline Julien? Parce que mardi, c'était le 15e anniversaire de son décès. C'est vraiment un décès très, très tragique parce qu'elle s'est suicidée. OK. Oui, parce qu'en fait, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'au cours des années 90, elle est atteinte d'aphasie dégénérative. Qu'est-ce que ça fait? L'aphasie, c'est que ça t'enlève la capacité de pouvoir parler et ça handicape une partie de ton système. Mm. Puis c'est ça que quand t'es chanteuse, que t'as fait du théâtre... Ça a un impact assez évident. Oui. Ça part mal, mettons. C'est pas pour rien qu'on l'appelle la passionnariat du Québec, parce que c'est quelqu'un, quand elle chante ses tripes, elle chante son cœur, elle chante tout son corps, son âme. Bref, c'est quelqu'un que j'espère vous faire mieux connaître, mais c'est sûr que juste une toune, mais par contre, c'est une toune qui vaut vraiment la peine d'être connue. Mais avant, un petit topo sur elle, c'est que durant les années 60, elle part à Paris chanter, faire une carrière de chanteuse de cabaret en reprenant notamment Léo Ferré et Boris Vian. D'ailleurs, elle va faire un album de chansons de Boris Vian. Quand elle va retourner au Québec en 1957. Et là, peu à peu, de 1957 jusque dans les années 70, elle va pas juste reprendre des classiques de la chanson de France, mais elle va peu à peu prendre des chansons de Gilles Vigneault, de Gaston Miron, notamment. Puis, elle va s'impliquer au niveau politique. Notamment, en 1964, on l'invite à chanter devant la reine à l'île du Prince-Édouard et elle dit « Non, ça ne m'intéresse pas ». Elle va également se faire arrêter durant la crise d'octobre, pas nécessairement parce qu'elle a fait de quoi ou qu'elle a posé une bombe dans une boîte aux lettres, tout simplement à cause de ses convictions politiques souverainistes. Et aussi, vers la fin des années 80, elle va être plus discrète sur scène et sur disque. Elle va quand même continuer à faire des spectacles. Elle va même faire un duo de spectacles avec Anne Sylvestre, notamment c'est avec la chanson « La sorcière, pas comme les autres ». Non, « Une sorcière comme les autres ». Je sais pas si ça vous dit quoi comme chanson. Désolé. Non, moi non. Joran le reprend cette chanson. Donc, elle va également faire des missions humanitaires au Rwanda et au Burkina Faso. Donc, c'est une carrière non seulement politique et au niveau artistique, mais humanitaire et même en tant qu'auteur, parce qu'un an avant de finir avec sa vie, elle va sortir un livre. Je me rappelle plus du titre, malheureusement, mais vraiment, c'est une artiste très prolifique qui a marqué la culture francophone. Et en hommage à elle, en fait, la chanson difficile, c'est pas la chanson qui est très difficile à écouter, c'est une chanson qui est très agréable à écouter, mais ça représente une chanson qui parle de soi, qui parle des autres et comment on a de la misère à se rejoindre soi-même, mais qu'on essaie de rejoindre l'autre. Écouter la chanson, ça vaut vraiment la peine. C'est dans la langue dans ton oreille, il y a Assemblage Requis. Qui est encore d'actualité. Quand je chante, je deviens chanson. Quand j'écris, je deviens poème. Et quand je te dis que je t'aime, je deviens le verbe aimer. À tous les temps, l'amour est pas difficile, il suffit d'avoir le temps. L'amour est pas difficile et pourtant ça prend longtemps. Avant de s'aimer comme il faut, avant de s'aimer tendrement. Quand je danse, je deviens rigodant. Je tourne et deviens ritournelle. Si tu voulais te mettre au pas, la danse ne finirait pas. Ni ma chanson, la danse est pas difficile, il suffit d'avoir le pas. Le pas le plus difficile, celui qui mène au trépas. Ce n'est pas un pas de deux, c'est un pas que tu fais tout seul. C'est le pas géant du bon Dieu. Quand je marche vers toi, toi l'autre à l'autre bout. chinois, toi, l'africain, toi, l'esquimau, toi, l'indien. Les crêpes, la faim, la marche est pas difficile, il suffit de faire un pas et de ne pas s'arrêter pour s'endormir en chemin. On finira par se rejoindre pour partager notre pain. Quand je parle pour toi. Je dis ton nom, je dis ta peine. Je dis que tu survis à peine avec ta petite vie quotidienne. Et tes enfants, parler n'est pas difficile quand on parle pour parler. Mais comme les mots sont fragiles, quand on parle de s'aimer à travers les continents, du rouge au noir, du jaune au blanc. Quand je chante, je deviens chanson. Quand j'écris, je deviens poème. Et quand je vous dis je vous aime, je deviens le verbe aimer. À tous les temps. C'était la chanson difficile de Pauline Julien. Qui raconte justement la difficulté d'aimer, mais la difficulté de rejoindre l'autre à l'autre bout du monde, même si on voudrait rejoindre l'autre. Déjà, même dans les années 60, elle avait une préoccupation par rapport aux choses qui se passaient dans le monde. La preuve, comme je l'ai dit précédemment, ses missions humanitaires au Rwanda et au Burkina Faso à la fin de sa vie. Et Jean-Philippe, t'as été un recherchiste très efficace. Oh, hein? Oui, un vrai recherchiste. Là. Un vrai GIE. Oui, c'est ça. Oui. Ouais, donc c'est ça, on parlait du livre que dans le fond David parlait, de Pauline Julien. Il fut un temps où l'on se voyait. Donc c'est le livre que David tu parlais. Excellent, parce que c'est quelqu'un qui adore les mots, qui adore ressentir les mots, parce que oui, c'est une grande interprète. Je vous ai dit des exemples comme Gilles Vigneault ou encore Gaston Miron, mais elle écrivait également ses paroles, puis c'était mis en musique notamment par Pierre Flynn, puis Gaston Miron également. Je cite souvent Gaston Miron, mais c'est une référence là, au niveau poésie puis au niveau de la chanson. D'ailleurs, il y a le Festival de la poésie qui commence demain. Qui est le 4 octobre, donc Festival de la poésie pour ceux et celles qui aiment la poésie, mais qui aiment aussi s'exprimer dans leur tête et dans leur corps. Mm-hmm. Tout à fait. Tu parlais de choses, c'est important de savoir ce qui se passe dans le monde. Moi, je trippe sur ce qui se passe dans le monde. Je trippe ses intestins. Deuxième, c'est blanc. Ce qui se passe dans le monde. Est-ce que tu veux savoir? Wow! Est-ce que tu veux que je te fasse un report de qu'est-ce qui se passe dans mon monde à moi? S'il te plaît. OK, merci. Bon déjeuner, tout le monde. Une boule de poils. Une boule de poils. c'est celle du chat de l'intro. Ben exactement, oui. Arc! Donc, deuxième choix, deuxième sujet de conversation pour cette chronique La langue dans ton oreille. Qui va être beaucoup plus ragoûtant de ce qu'on vient tout juste de se dire concernant les chats et les petits poils. C'est la chanteuse française Odile. Malheureusement, j'ai pas beaucoup d'informations, mais heureusement, ça permet d'écouter sa chanson Petite, qui est une vraie pépite franco-alternative. Une petite pépite. Une pépite. Oui. Est-ce que c'est une pépite d'or ou une pépite de chocolat? Oh! Une pépite délicieuse dorée. Donc, du chocolat doré. Oui. On écoute ça, là? Qui fond dans nos oreilles. Pas de biographie, rien? Juste, non, j'ai pas trouvé c'est de... C'est ça. Okay. Ouais. Ben, quoi que je peux dire que Petite, c'est tiré de son deuxième EP, Maxi, pardon, qui s'appelle C'était l'hiver. OK, mais ça te dérange pas, tu vas le dire sans fond, parce que là, il n'y a plus de fond. Tu fais un jeu de mots d'Odile Pékin? OK. Ils m'ont dit, petite, lâche-toi. Montre-nous tes couilles si t'en as. Faut que l'on danse sur ta douleur. Faut que ça dérange, faut que ça ait cœur. Ils m'ont dit, petite, donne du rêve. Tu sais qu'ici c'est marche ou crève. Alors vas-y, montre tes tripes. Faut que ça nous fâche, allez, petite. Faudrait mettre le monde à genoux. Mais tu sais, le monde, il s'en fout. Dis-moi si je fais briller tes yeux. Est-ce que le monde il ira mieux? Faisons comme si on était bien. Donne-moi des lacets juste pour tenir jusqu'à demain. Faisons comme si. Allez petite, deviens quelqu'un. Donne-moi des lacets. C'est juste le début de la fin. Ils m'ont dit petite, sois toi-même. Oui mais petite, pas trop quand même. Petite, il faut jouer ta vie. Faudra nous faire trembler aussi. Il faudra danser sur le fil. Mais sois pas faible, juste fragile. Ils m'ont dit petite, allez fonce. On te regarde quand tu t'enfonces. Faisons comme si on était bien. Donne-moi de lacets juste pour tenir jusqu'à demain. Faisons comme si. Allez juste une conne de cocaïne. Et moi j'ai dit, qu'est-ce que tu crois? Je suis toute petite, oui, mais tu vois, comme les petites, elles deviennent grandes. Je suis toute petite, mais je peux apprendre. Dis-moi si je fais briller tes yeux, est-ce que le monde il ira mieux? Dis-moi si je fais pleurer tes yeux, est-ce qu'on vivra un peu plus vieux? Faisons comme si on était bien. Donne-moi de lasser, juste pour tenir jusqu'à demain. Faisons comme si, allez petite, deviens quelqu'un. Donne-moi de l'amour, la fin du monde c'est pas demain. Odile Pécal. C'était Odile avec Petite, tiré de son album C'était l'hiver. J'aurais pu présenter justement la chanson C'était l'hiver tiré de ce maxi-là, mais j'aimais mieux Petite. C'est ma petite préférence. Ouais. Moi, je vous dirais, si vous avez quelqu'un dans votre famille qui s'appelle Odile, là, appelez-la Odile Pécal, juste pour le fun, dorénavant. Odile Pécal? Juste pour le fun. Mais pourquoi? Pour être drôle. Oui. Puis en plus, quand ça va être les soirées fondues ou raclette, ça va être vraiment approprié. Ouais, Odile Pickle, s'il te plaît. Ouais. Odile Pickle, s'il te plaît. Riez pas, Odile, c'est le nom de ma troisième sœur, c'est Amoise. Odile Pickle, dorénavant. Oui, mais. Ferron. Hein? Mm-hmm. Mais est-ce que son nom de famille, c'est Pickle? Oui. C'est ça, c'est un nom composé, premièrement. Je veux dire, si tu veux vraiment participer à la conversation, participe comme faut. C'est oui. Odile Trait d'Union Pickle. Ouais, Odile Pickle. Ouais, c'est ça. Voilà. Est-ce que ta troisième sœur s'appelle Pickle? Donc, toujours dans la langue dans ton oreille avec David Ferron. Troisième portion de ta chronique sur les femmes. On appelle ça Pale Male Anderson. L'Anderson, c'est toi qui l'as inventé. Ben oui, mais je te donne le crédit. T'attends-tu à autre chose de moi? Non. Voilà. Je m'attends pas à grand chose. Merci. Sauf d'être divertissant. Mais la barre bien basse, un peu comme moi, ma barre est bien haute. Et longue. Oh! Alors, le troisième segment s'appelle Brigitte Fontaine. Femme Fontaine? Non! Brigitte Fontaine. Oh! Le piqué haute. Pickle. Que haute. Ah. C'est un peu tard. Oui, je sais. Tu m'as-tu vu faire comme... Oh, moi, j'ai raté. J'ai raté ma fenêtre d'opportunité. Oui, exactement. Mais je voulais vraiment la plugger pareil. Je l'ai fait. Félicitations, je suis fier de toi, Jean-Philippe. Oh, merci, David. Alors, Brigitte Fontaine, qui est cette ovni de la musique underground française? Eh bien, c'est une jeune femme de 74 ans qui continue à faire des albums. D'ailleurs, elle a sorti au mois de septembre l'album « J'ai l'honneur d'être ». Mais par contre, l'extrait que je vais vous présenter tout à l'heure vient d'un de ses vieilles albums des années 70, c'est-à-dire « Brigitte Fontaine est folle ». Elle sait au moins. Rien de moins. Mm-hmm. Oui, elle s'assume amplement. En fait, elle... Pour revenir à son dernier album, J'ai l'honneur d'être, ça a été notamment produit et composé par Areski Belkacem, qui est un auteur, compositeur, interprète qui l'accompagne depuis que la Lune est lune, ou selon les Américains, l'année où l'homme a marché sur ce satellite, c'est-à-dire en 69. Mm-hmm. Et là, c'est son mari en fait, là. Les deux collaborent, c'est comme un petit peu les Dave Stewart et Annie Lennox de la musique underground française. Donc, Brigitte compose et Areski compose... Non. Brigitte écrit les chansons et Areski compose la musique. OK. C'est beaucoup plus logique comme ça. Imagine s'il y avait des arrêts stops sur une pente de ski, un Areski, mettons, imagine. Vraiment des stops, puis il y a une police qui reste. Putain, oui, frein. Non, difficile. Oui, surtout que c'est de la musique canne, fait que je vois pas le ski là-dedans. Ah, donc, pickle trop vite. Oh. Ma soeur, j'abandonne c'est... tout. Moi, j'abandonne tout. Ma soeur Samoise est une championne de ski alpin. Comment elle va d'ailleurs? Ouais, puis avec juste une jambe, c'est un peu difficile. Ouais, j'avoue en plus. Mais elle va mieux, là. Elle s'habitue tranquillement à sa situation. Mais parlant de la situation de Brigitte Fontaine, je vais vous faire écouter justement une chanson tirée de son album Brigitte Fontaine est folle qui s'appelle Dommage que tu sois mort. Parce que j'aurais pu vous présenter une chanson qui est plus récente, mais c'est parce qu'elle a une voix qui est de style « Ah bien, aujourd'hui, je vais manger un litre de goudron pour ma voix. » Ça sonne vraiment affreux. Mais quand c'est un litre, ça va plus le boire, non? Ouais, dépendamment de son appétit. Puis un litre, c'est quoi, après tout? De goudron, c'est rien. Je t'aurais bien invité à prendre le sois mort. Je t'aurais montré le soir quand le ciel est vert encore, quand le sol est déjà noir. Dommage que tu sois mort. J'aurais bien su te parler de moi et de mon cher corps, de la chaleur des rochers. Comment peut-on être mort? Je t'aurais bien invité à venir perdre le nord, mais pas pour l'éternité. Dommage que tu sois mort. Je t'aurais bien invité. Comment peut-on être mort? À venir prendre le thé. Dommage que tu sois mort. Je confesse mon penchant, un grand faible pour les forts et le monde des vivants. Comment peut-on être mort? Dites-le pas, là, mais en rond, j'ai fait une blague de Femme Fontaine puis de 1 litre. Oui. Devinez-la. Devinez-la. C'est quoi son nom déjà? Brigitte Fontaine. Oh! Oh! Et oui, en effet, c'était Brigitte Fontaine avec « Dommage que tu sois mort ». Quel beau titre. C'est comme tragicomique. Elle dit « Ah ben, j'aimerais ça prendre le thé avec toi, mais tu plates, t'es mort. » Triste. Oui. Tu sais, c'est comme avec podcast qui fait « Dommage que tu sois prise ». Ouais. C'est un peu moins pire. Ben, c'est pour ça que j'ai pris cette chanson-là. Je voulais exactement plugger cette chanson-là qui est dans le palmarès C'est fou 89.1 FM. Qui l'était il y a à peu près 6 mois. Oui, c'est vrai qu'il l'était. David, tu vis dans le passé. Ouais. Oui, je le sais. C'est pour ça que j'ai présenté Brigitte Fontaine. Une femme du passé, toujours contemporaine. Ah, c'est bien sorti. Ça, c'est oui. bien sorti. Ça c'est bien sorti. Mais pareil, c'est pas grave parce qu'on peut entendre des chansons plus actuelles sur le palmarès à partir de 15h jusqu'à 18h en compagnie de Stéphanie Parazi. Et? De Justine Renaud. Et? Mathieu Plante, son nom. Oui! Ah oui, je m'en rappelais plus, excuse-moi. Parle pas contre lui, je le connais bien. Oui. Je voulais juste dire... C'est un bon collaborateur de la radio. Oui, un fidèle. Ouais, je voulais juste dire qu'il avait tendance à faire des montages douteux sur ses chroniqueurs, mais c'est pas grave. Oui, ses chroniqueurs, il y en a qui n'a pas fait des affaires douteuses. Hein? T'as juste ça. Présenter ce qui n'est pas douteux dans le cas. OK, fait qu'il faudrait que je te censure, c'est ça? On est rendu une radio de même, hein? Mais qu'est-ce qui n'est pas douteux, David? Qu'est-ce qui n'est pas douteux? Ton doigt que tu présentes haut. Hautement. Ça, c'est pas douteux? Ça va être dans les meilleurs moments. Ça, là? Oui. Ou dans l'épée. Écoute ça. Un c'est... doigt qui monte. Oui. Donc, David Ferron, la langue dans ton oreille, on te retrouve jeudi prochain, habituellement à 8h. Oui. Et c'est tout. pour une raison inexplicable, on devance de 15 minutes tout ce qui se passe aujourd'hui. Ça a sûrement une raison, j'imagine qu'il y a un addon, je sais pas, on va voir. C'est notre destinée. Finalement. Oui. Donc, sinon, David, on t'écoute les dimanche soir à 17h pour l'émission Brancher le monde. Oui, qui est très différent de la chronique. C'est sûr que oui, je déconne beaucoup avec vous parce que vous êtes plaisant. Ben, merci. Mon émission aussi est plaisante, mais ça concerne surtout l'actualité régionale et internationale. On a des chroniques justement sur ce qui se passe dans le monde. On a également des chroniques sur la culture mauricienne et internationale. Mm-hmm. Puis avec le top 5 musique du monde. C'est le fun ça qu'on ait ça, j'aime ça. Oui. Oui, puis avec plein de bonne musique. C'est pas juste des trucs stéréotypés qu'on entend de la part de la compagnie créole, qui d'ailleurs n'est pas de la musique du monde. Je tiens à le préciser, mais de la musique qui est autant de la tradition yiddish que celte, que marocaine. Bref, ça vaut vraiment la peine de passer son après-midi à m'écouter. Et à voilà. Écouter de la chanson et des chroniques. Et c'est dimanche à 17h. Oui, oui, mais il faut passer l'après-midi. Voilà, toute l'après-midi. Il y a les palmarès, c'est fou, juste avant, entre midi et 3, les dimanches. Fait que gâtez-vous, belle journée. Tu peux y aller, David, merci. Bye. Au revoir. Hey, Jean-Philippe, tu sais, le David, oui. Là, il est parti, fait qu'on peut. Oui, on peut parler, on peut faire ce qu'on veut. Mais tu sais qu'à chaque semaine, il sort de l'asile spécifiquement pour faire sa chronique. Oui, je sais. Puis il est sur une médication, fait qu'il se rend pas compte qu'il revient de l'asile. Puis là, qu'il est en train de chercher. Il se rend pas compte qu'il est en onde. Il se rend pas compte qu'il est en onde aussi. Ouais, des fois, c'est parce qu'il met pas ses écouteurs. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, on va lui dédier la pièce Retour à l'Institut des oui, trois accords. Les trois accords. Il va aimer ça. Ça, c'est sa personnalité multiple, là, B. B2. On vit ça tout le temps, nous autres. On est vraiment tristes. Joanie Gagnon, tantôt, là, elle comprendra rien. Non, mais vous êtes assez fous. Retour la beaucoup plus sérieuse, mais non moins divertissante chronique Le Gourier 601 avec François Landry. Mathieu. Oui. Attrape, j'envoie la pause. Oh, merci. Oui. Moi, je l'ai raté. Oh, attends, je vais t'en envoyer une autre. Ok, non, je vais la chercher à terre. Un. En dessous de la, okay. Ah oui, ok. Okay. En dessous de la table, à la chercher. Okay. Vas-y. On lave là. Rassemblage qui pour toi aujourd'hui. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour, vous êtes au... Le clap était parfaitement timé, Jean-Philippe. Clap. C'est comme la scène commence maintenant. Là. Il est 8h10 et vous êtes toujours à Assemblage requis en compagnie de Jean-Philippe Charbonneau. Et Mathieu Plante. David Ferron est toujours avec nous aussi. Coucou. Qu'on le veuille ou non. Et on accueille quelqu'un qui, en tout cas, moi, ce que je vois à date, là, tu me diras le contraire, mais arrive exactement à la minute près de, de sa chronique aujourd'hui et part exactement à la minute que c'est terminé pour pas avoir à être trop longtemps en présence de David Ferron. De d'autres. Ça, mon médecin me l'interdit. Ah, j'avoue que c'est prescription. Oui, obligatoire. Oui. Ton médecin, est-ce qu'il a tous ses papiers réglementaires? Dans une boîte de Cracker Jack, je dirais que oui. Toi, t'es chanceux, c'est les médecins. Nous, c'est la cour. Est-ce que les juges ont fait leur cours? Ah, oui. J'ai le mot de cours, puis le cours. Puis Mathieu aussi, des fois, il me fait la cour. Oh, wow, trois fois. Oui. Qu'est-ce cours vers l'intro. Ah, OK, parce que j'essaie de trouver un jeu de mots politique avec cours. Pendant ma cour? OK. Hein? Oh. S'il vous plaît. Collègue. Le début est solennel. Bonjour. Royal. Collègue, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le début est solennel. Pompeux. Royal. Royal. Salut François Landry. Bonjour Monsieur Plante. Ça va? Ah oui, je me suis ennuyé de toi la semaine passée. Ben on t'avait, nous aussi, évidemment on s'est ennuyé de toi. Ouais. Tu nous as manqué parce qu'on n'était pas au courant du tout de ce qui s'était passé là, depuis les deux dernières semaines dans le domaine politique. Ça manque. Il s'est passé pas mal de choses que quand je vais résumer aujourd'hui, mais ça tourne tout autour de la CAQ. Fait que gars, je me suis fait un petit condensé de caquesserie. Un cacatoise. Ouais, au lieu d'une causerie, on va être une caquesserie. Ça là, une caquesserie là. Cacophonie. Ouais. Oh, oh, okay. Comment ça? Je vais te parler de la CAQ jusqu'à que tu sois tanné. Jusqu'à ce que mort s'en Oui, jusqu'à que tu sois tanné. Ça pourrait arriver plus tôt que prévu. Oui. Le titre de la chronique, quand on crache en l'air, on continue la phrase, ça nous tombe sous le nez. C'est ça. Et donc, la CAQ cette semaine a, ben, cette semaine, dans les dernières semaines, les derniers jours, a craché en l'air. Tu sais, vraiment un gros, là. Un gros morveux. Un gros salé, là. C'est mucuseux, pas mal. C'est mucuseux, puis là, ça les a éclaboussés, et puis ça pourrait les jammer à terre. Tu sais, ils sont collés, là. La coalition Avenir Québec, la CAQ, croupissait dans l'oubli. Tu sais, dans les sondages que je vous avais fait les derniers temps, ils perdaient des plumes à chaque fois. Et comme donc, un oiseau, le cacatoès, ça revient à oui, ça. Oui, oui, oui. Voilà tous les jeux de mots. La CAQ, tu sais, tous les jeux de mots. Hein? Des élections cette semaine, s'il y en avait seulement, les deux tiers du caucus présent retourneraient chez eux, seraient sur le chômage ou iraient croupir dans leur ancien job. Hit the road, CAQ, and don't you come back, no more, no. J'aime ça. More. La controverse lancée par Jacques Duchesneau pour relancer la CAQ a replacé la CAQ, le parti, oui, en tête des bulletins d'information parce que on entendait parler de Philippe Couillard et de l'économie, puis de l'UPAC qui avait fait des descentes chez eux. Chez eux, oui, à son bureau, puis le Parti libéral était un peu dans la merde. Et puis, le Parti québécois lui monopolisait tous les journaux, tous les bulletins de télé, toutes les conversations dans la cour d'école sur ces fameux signes ostentatoires. Mm-hmm. Donc là, la CAQ a dit « You, on existe encore, et comment faire pour reprendre la une du Journal de Montréal? » Éclaboussons tout le monde au passage. Crachons en l'air. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, ils ont créé l'affaire Boisclair. André mm-hmm. Boisclair, on s'en souvient tous, ancien chef du Parti québécois, ancien cocaïnomane, aujourd'hui délégué, était, je devrais dire, plutôt délégué général du Québec à New York. A pris un congé avec solde, par contre. Il est quand même payé 175 000 $ pour être au Québec. C'est une autre histoire. Donc, l'affaire Boisclair a éclaté lorsqu'une partie du témoignage de l'entrepreneur Paul Sauvé. Tout le monde se souvient de Paul Sauvé. Oui. Non, c'est. Non, tu n'as pas le droit de dire oui parce que c'est. Mon dimanche. Moi, au moins, je n'ai même pas écouté la commission Charbonneau. Non, mais j'ai écouté le résumé. OK. Là, tu remontes dans mon estime. Donc, Paul Sauvé, qui est entrepreneur, était frappé d'un interdit de non-publication. Donc, ils en ont révélé une partie à la suite. C'est les médias qui ont fait de la pression pour que ça... Oui, tout à fait, parce que la liberté d'expression au Québec, ça nous est très cher. Et là, le juge a dit, on va faire un huis clos pour au cas où qu'ils disent que ça éclabousse tout le monde ou ça nuise à des enquêtes policières. Et là, après coup, quand ils ont réécouté les tapes, comme quand tu écoutes un match de hockey, tu l'enregistres pour pouvoir réécouter les buts et tout ça. Donc, là, ils ont dit, c'est pas si grave que ça. Donc, ça, on peut le dévoiler. Et... L'entrepreneur a affirmé que André Boisclair, alors qu'il était ministre des Affaires municipales, jadis Naguère, avait octroyé à une entreprise une subvention de 2,6 millions de dollars 4 jours seulement avant les élections d'avril 2003. Donc, habituellement, quand il y a un déclenchement d'élection, tu ne fais pas de promesses de dons ou de versations de dons parce que tu sais pas si le lendemain de l'élection, t'es encore ministre. Exactement. Donc là, il en a fait une à la va-vite. C'est légal. C'est pas interdit, c'est juste douteux. OK? Ouais. On s'entend là-dessus, c'était légal, mais douteux. Jacques Duchesneau, un ancien policier du SPVM, donc l'éminence grise de la CAQ, puisque c'est le seul vraiment qui est, à part François Legault, qui est dans la haute estime de la population, un homme droit. On l'avait même surnommé le Elliot Ness du Québec, pour ceux qui écoutaient Al Capone et compagnie. Donc, Jacques Duchesneau a ensuite fait une sortie médiatique fracassante dans laquelle il a laissé entendre qu'il pourrait y avoir un lien entre cette subvention-là, la consommation passée de cocaïne de André Boisclair, ainsi que la présence d'un présumé membre des Hells Angels, Norma Casper Ouimet, dans l'entreprise de Paul Sauvé. Casper est un fantôme. Et justement pour ça, il était un fantôme. Donc, on savait qu'il existait, mais on n'était pas capable de le mettre, mais il était gentil avec tout le monde. Un threesome, en quelque sorte. Ben c'est très téméraire, là, quand même, pour la CAQ de faire ça. Je sais pas si tu es d'accord avec ça. Ils l'ont dit. Le problème, c'est qu'ils l'ont pas dit en chambre. S'ils l'avaient dit en chambre, il n'y aurait pas eu de problème parce qu'ils ont l'humilité parlementaire. Exactement. Ils ont le droit de dire tout ce qu'ils veulent en chambre. Ce qui se passe dans la chambre. Mais là, ils l'ont dit dans le corridor. Et de surcroît, ils l'ont répété le lendemain, le surlendemain, et encore jusqu'à hier, ils l'ont répété. Mais ça, c'est si, mettons, quelqu'un prouve à un moment donné qu'ils ont raison. Ça va être incroyable. Là c'est Jacques Duchesneau devient le chef du Québec. Oui, là, ça va être incroyable. Il aura déterré une bombe, une mine pour le Québec. Mais par contre, si il a tort... Oui, qu'est-ce qui va arriver? moi, c'est ce qui m'inquiète. Si, ça va passer dans le beurre? on le saura à peu près à partir du 9 décembre prochain. Ouais. Mais là, pour l'instant, il y a un procès. Donc, c'est relégué sur les tablettes. Dès qu'un procès, c'est long, ça peut prendre 2, 3, 4, 5, 10 ans. Donc, on en entendra plus parler. On verra. Même battre Duchesneau. Oui. Même cacheur. Même cacheur. Donc, la CAQ a le temps de disparaître de ce temps-là. Et changer de nom. Changer de nom, on va redevenir l'ADQ. Oui, exactement. Quoique, dans la deuxième partie de la chronique, je ne suis pas sûr qu'ils veulent reprendre le nom ADQ. Ouais. Donc, Jacques Duchesneau dit n'avoir posé que des questions. Donc, il s'est défendu sur sa phrase. Il n'a pas accusé, il n'a pas pointé du doigt. Il a juste dit « je pose une question ». Bon, on s'entend-tu entre nous cinq ici? Là, on a 1, 2, 3, 4, on est 4. Casper était... Mais avec les auditeurs, ça fait 5. Oui. 50 000. Oui. C'est ça. Donc, on s'entend-tu que quand tu poses une question, ça peut être non pas un propos diffamatoire, mais une atteinte à la réputation de quelqu'un. Parce que André Boisclair, qui se souvenait de son existence, à part les freaks de politique? Pas grand monde. C'est ça. Hein? Qui se souvenait qu'il était délégué général à Québec? Pas grand monde. À part David Ferron, évidemment. Et qui se souvenait qu'il avait déjà été cocaïnomane? Ça, moi-même, je l'avais oublié parce que c'était un fait divers. Oui, c'est du passé. C'est du passé. Au début 90, il l'a avoué lui-même. Il dit c'est. Mais mettons 1090, non? Ça fait quasiment 15 ans, 10 ans là, que c'est fait. Donc, oui, il a posé une question, mais en dehors de l'Assemblée nationale, comme on l'a dit. Donc, c'est pour ça que ça a pris une ampleur démesurée. Donc, atteinte à la réputation, André Boisclair dit « ce ne sont pas des propos diffamatoires, mais quand même, je me suis senti outré, donc je reviens au Québec, je prends congé, je suis relevé de mes fonctions, je m'auto-relève de mes fonctions, mais avec plein salaire quand même. Je vais traîner en cours Jacques Duchesneau, François Legault, parce qu'il a endossé les propos de Jean Chesneau et la CAQ, parce qu'évidemment, c'est un parti politique auquel les deux autres appartiennent. Mais je veux payer les frais d'avocat de par ma propre poche. Mm-hmm. Là, il a été wise. Ouais. Parce que c'est lui à tête à sa réputation personnelle, donc il pourrait prendre les devis du trésor public. Mais ce que la CAQ n'a pas fait? La CAQ, oui et non. Oui et non, oui, c'est parce ça. Parce qu'ils ont dit... Ils vont voir, en fait. Les règles de l'Assemblée nationale nous disent que les partis politiques peuvent utiliser les fonds publics pour se défendre, donc parce que c'est André Boisclair qui nous attaque. Oui. On s'entend-tu que... Tu m'as craché d'en face, que c'est de la roue électrique. Oui, c'est ça. Fait que, ils vont utiliser les fonds publics. Mais là, tout de suite, ça a fait un buzz partout au Québec sur la toile pour dire, franchement, là, on a le droit d'attaquer tout le monde, puis c'est le public qui va défendre la CAQ. C'est pas un dossier international. Là, c'est un crachat. Peut-être une vengeance personnelle aussi, ou peu importe. Fait que là, François Legault est obligé de revenir au micro pour dire, si et seulement si on perd, on va payer les avocats. Mais si on gagne, par contre, comme tu disais, Jean-Philippe, tantôt, si on gagne, là, tout le monde va nous aduler. Ben oui, c'est ça, exactement. C'est un peu comme les avocats qui annoncent à la TV américaine, tu sais, vous allez me payer seulement si... Si, c'est ça, si. Exactement. C'est ça. Donc, si, et seulement si. Si, c'est ça. C'est une mathématique de base. Donc, mais là où a été très intelligent André Boisclair aussi, c'est qu'en traînant encore à déposer une plainte devant la justice, Jacques Duchesneau n'a plus le droit d'en parler. C'est rendu pas tabou, mais une règle judiciaire, si t'en parles, ça s'ajoute au dossier. Okay. Donc, tu te cales. Mm. Donc là, il n'en parle plus. Les journaux n'en parlent plus. Donc, la CAQ, c'est un coup d'épée dans l'eau. Ça a fait un petit peu de vague, un petit peu de remous. Mais en étant sur la tablette du juge ou du procureur, peu importe, on n'en parle plus. Donc, Jean Chesneau s'est tiré dans le pied carrément, n'a plus le droit d'en parler. Donc, la CAQ ne peut pas faire... peut pas se faire du monopole du... la promotion qu'elle voudrait. Sur le dos d'André Boisclair et du Parti québécois par la bande, parce que c'est le Parti québécois qui était entaché, puis c'est eux qui a nommé André Boisclair délégué général. Donc, comment résumer tout ça? On pense que c'est un geste du désespoir de Jean Chesneau, avec la sortie de Jean Chesneau, pour redorer l'image de la CAQ. Il se disait pourfendeur de l'injustice, de l'iniquité, de contre l'éthique, de la mafia. Et là, il s'est dans le pied, comme je disais. Dans l'équipe de François Legault, plusieurs sont déterminés à ne pas se représenter de nouveau aux prochaines élections. Et les sondages le montraient, sont très très bas, sont en deçà de ce que les prévisions ou les dernières élections demandaient. Donc, ils sont passés de 30 à 18 %. Donc, c'est quasiment la moitié de leur électorat qui a disparu. Jean Chesneau lui-même ne se représentera pas aux prochaines élections. Donc, c'est un geste du désespoir. Quand t'es acculé au pied du mur, comme un chat que tu garages dans une piscine, il va te griffer pas mal avant. T'sais, il sait qu'il va faire des piscines pareilles, mais il va tout faire pour te faire saigner. Et Christian Dubé aussi, je dirais la troisième tête grise du parti, qui est la meilleure recrue de François Legault, un économiste réputé hors pair et surtout redoutable, qui lui aussi pourrait ne pas se représenter. Donc, la CAQ perd des plumes, perd ses gros noms. Donc, geste du désespoir, go, allons-y, comme au poker, le all-in. Mais il y a aussi la Dominique Anglade, qui était l'ancienne présidente de la CAQ, qui avait l'air aussi d'avoir de l'allure. Là. Oui, tout à fait, mais elle a accepté un poste sur Montréal, ville ouverte, mais ville internationale, vue sur le monde, je sais pas trop quoi. Donc, elle a quitté, elle aussi, la CAQ. Donc, c'est comme le paquebot du Titanic, mais tout le monde quitte, puis seul François Legault demeure à la barre. En train de jouer du violon. Le caquebot. Ouais. Le caquebot. Donc, oui, le caquebot. Oh, oui, j'aime ça. Je vais pas piquer la punchline de JP. Non, mais c'est correct, ça fit ensemble. Cool. Voilà. Donc, on parlait de la CAQ. La CAQ provient de l'ADQ. On se souvient de, pas la fusion, mais la mutation. Le changement. La transfiguration. Translation. Tout ça qui se finit en ion. Mario Dumont, qui était chef de l'ADQ du début jusqu'en 2008, après les élections, ce qui avait été foudroyé par l'électorat, pour dire « je ne suis plus l'homme de la situation, donc allons-y ». Après ça, il y avait Gilles Taillon, qui avait été élu par deux voix de majorité, dont une, c'était Infoman. Juste pour faire un bon show. Il avait trafiqué les votes, mais il y avait... Il n'y a pas une planche. Il avait profité d'une faille du système électoral pour s'inscrire. Okay. Omar Bongo, je crois, l'ancien dictateur du Congo. Pas du Congo, mais du... Oui, ça me rappelle quelque chose. Du pays africain. Ouais, je me souviens plus de quel pays, pardonnez-moi. Donc, il avait inscrit ce gars-là. Donc, on s'entend, c'était un dictateur africain mort. Et puis, il avait voté pour Gilles Taillon. Donc, ça avait été révélé. Donc, une enquête menée par CBC Radio-Canada a relevé que l'ancien chef de l'Action démocratique du Québec, Mario Dumont, qui est aujourd'hui commentateur à LCN et un petit peu partout à la télé, radio, journaux, est omniprésent, a rencontré en privé, donc en 2008, des entrepreneurs qui auraient financé son expertise de manière illégale. Lui qui était le chevalier de la de patte blanche, de l'éthique, oui, jamais nous autres on va faire de la politique autrement. Il est éclaboussé cette semaine. Un peu comme TVA devait parler en mal de Mario Dumont quand il était à V, puis là, soudainement, oh, puis il y a eu... Oh, c'est notre vedette. Écoute, c'est tout le temps ça. Puis c'est pour ça que j'aurais aimé ça voir l'émission le soir même de Mario Dumont, parce qu'à ce pari, il a fait une petite sortie pour dire c'est pas vrai. Mais il profite de son statut d'animateur pour se défendre. Donc, est-ce que côté journalistique, c'est éthiquement défendable? Je sais pas. Donc, tout ça pour dire que le sénateur conservateur Léo Oussakos, qui était un des responsables du financement de l'ADQ et des conservateurs de Stephen Harper au Québec, aurait approché un des entrepreneurs pour qu'il finance l'ADQ. Et l'entrepreneur en tant que tel, c'est Lino Zambido. Celui qui a été... Le fameux. Là, le grand chef là, de Réunion International. Oui, celui qui fait de la pizza. Puis, puis celui qui avait été applaudi, tout le monde en parle. Okay. C'est un crosseur, c'est un voleur. Oui. C'est un magouilleur, c'est un mafieux. Puis tout le monde en parle, l'applaudit. On aime les vedettes au Québec. Hein? Ouais, dès qu'ils passent à la TV, c'est une vedette. Ils savent pas trop pourquoi ils applaudissent. C'est un gars d'occupation là. Ouais! C'est un gars de la commission Charbonneau. C'est soit ça, soit où l'animateur de foule était vraiment en forme ce soir-là. Où il y avait un gun sans tente. Oui, c'est ça, exactement. Donc, Mario Dumont s'est longtemps vanté de vouloir faire de la politique autrement, notamment lors de la campagne électorale 2007. Il avait fait campagne là-dessus et les accommodements raisonnables, on s'en souvient, qui a permis à son expertise de former l'opposition officielle en 2007, donc à l'Assemblée nationale. Il était passé de 4 députés à 40. Quelques députés douteux, mettons. L'enquête de CBC Radio-Canada démontre que l'ADQ utilisait les mêmes techniques que les vieux partis pour se financer. Donc, politique autrement, mon œil. Lino Zampito croit que Mario Dumont ne pouvait ignorer que son parti était financé illégalement. Et je cite, « Il faisait toujours la remarque en disant « Merci pour ce que tu fais pour l'ADQ ». Lino Zampito était aujourd'hui mafieux officiel. Oui. Donc, quand un chef te dit « Merci pour ce que tu fais », c'est ça certainement pas chose. Pour faire des cupcakes. Ouais. Ça, il devait y avoir d'autres choses dans les cupcakes. Hein? Des pièces. Donc, il y aurait à peu près amassé 25 000 pièces pour la campagne de financement. Mario Dumont et Léo Oussakos ont refusé de parler devant la caméra, évidemment. Ils nient tous les deux avoir agi de façon illégale. Mais le successeur de Mario Dumont, Gilles Taillon, donc le fameux moustachu qui a été élu quelque temps, affirme que des membres du défunt parti l'avaient mis au courant dès 2009. Donc lui, il est au courant. Donc si Gilles Taillon qui est au courant, comment Mario Dumont n'aurait pas pu être au courant? C'est quasiment pire que le maire de Montréal. Oui, oui. Quelqu'un dit, toi, j'ai rien vu. J'ai... Ben oui, tout est passé sur mon nez. Soit t'es innocent ou t'es vraiment aveugle. T'sais, je sais pas trop. Mais avant de quitter le parti, Gilles Taillon a rencontré les policiers de la Sûreté du Québec pour lui faire part des irrégularités à l'ADQ. Donc lui-même s'est dit ça se peut pas, cette affaire-là. Fait qu'il a fait ça, puis il a quitté par la suite le parti pour laisser sa place à. Gérard Deltel. Gérard Deltel, l'ancien. Un historien, hein. Oublie pas, David, c'est un historien, donc c'est un confrère. Bof, je le renie, mais c'est pas grave. Donc, la commission Charbonneau a choisi de ne pas parler du financement illégal de l'ADQ. C'est le DGEQ qui va s'en charger. Il mène une enquête sur 800 000 piastres qui auraient été versées illégalement à l'ADQ. 800 000, là, c'est gros. C'est presque 8 dixièmes de millions. Ouh! Ben, c'est 8 dixièmes. C'est la blague. Le temps que je catch, merci Mathieu. La blague, je la fais à chaque fois, mais elle vient pas là. Donc, c'est dans les mains du DGEQ. Et puis, pour le Jean Chesneau, c'est aux mains de la justice. Donc, la CAQ et l'ADQ qui ont se sont fait les défenseurs de la veuve et l'orphelin en crachant dans le ciel, là, eh bien, Dieu le rend bien. On va voir s'il va y avoir du vent. S'ils vont le recevoir d'en face ou si ça va tomber sur le le gars d'à côté. Ça a pu éclabousser pas mal de monde aussi. Hein? Sprinkle. Oui. Merci François-Marie. Hey, merci Mathieu Plante. Excellente chronique comme toujours. On est au courant maintenant. Ben ouais, je viens de résumer deux semaines. Donc, voilà. Sûrement la semaine prochaine. Ah, élection municipale. La semaine prochaine, j'en parle parce qu'il y aura comme un genre de débat à Chasse-Galerie. Oh oui. Fait que, puis je vais même peut-être faire une montée de lait contre les chaises qui ne m'ont pas rappelé. Oh! Pour le débat. Les chaises. S'il y en a qui ont le dos large, ben dépendant de la chaise. Ils ont un dossier solide. Ils sont bien à cheval sur le principe, mais c'est ça. Il n'y a pas juste la langue qui peut être debout. La chaise aussi. Oh! Oui, ou d'aluminium ou de métal. Ouais. Donc, chacun pour soi. Jeudi prochain à 8h30. Oui, à moins qu'il y ait une genre d'alarme ou quelque chose. C'est notre destinée. Ah. On verra. L'émission est plus courte aujourd'hui. On ne sait pas pourquoi. On verra. Voilà. Donc, jeudi prochain à 8h30 pour Logocratie 101. On a parlé de Mario Dumont il y a quelques secondes, qui ment et qui n'est pas très, très éthique. Voici sa chanson thème. Your life is a lie de MGMT. On n'accuse personne, non. On fait juste, c'est juste une suggestion comme ça. Moi, on a juste du fun ici. J'ai aucune intention cachée derrière ça. Pas en tout. Here's the deal. Open your eyes. Your life is a lie. Don't say a word. I'll tell you why. You're living a lie. Your life is a lie. As you deny, you live a lie. Wondering why. Barely alive. Count your friends on your hands. Now look again. They're not your friends. Hold your breath. Everyone left. No surprise. Living a lie. Tell your wife. This is your life. You left a lie. This is your life. Now she knows. She understands. Her life is a lie. Nobody wins. Try not to cry. You will survive. On your own. Lessons in life. Life is a lie. Now there's no time. Wondering why. Where in the world is that girl who knows it's alright to live a life waiting to die, not knowing that your life is a lie. Wondering why nobody writes hollow inside. Bitter delight, fire and ice. Your life is a lie. Retour à la chronique de sortie. Alors on sort avec Joanie Gagnon à Assemblage Rocky. Assemblage Rocky pour toi aujourd'hui. CFOU 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage Rocky. Bonjour, c'est toujours à Assemblage Requis. En ce jeudi matin, 3 octobre 2013, Jean-Philippe Charbonneau sera de retour dans quelques minutes. Moi, c'est Mathieu Plante. Les autres nous ont quittés, François-André et David Ferron. Par contre, on va accueillir Joanie Gagnon dans quelques secondes pour sa chronique. Alors, on sort, on va parler des sorties à faire en région et ailleurs. Mais pour l'instant, voici Bravo Funken. Et puis, tant pis pour nous. Sur C'est Fou. 89.1. Yeah. Bravo Funken et tant pis pour nous à Assemblage Requis. Mais non, mais tiens, on l'a dit tantôt, Joanie Gagnon qui est là, parce qu'on doit être renseigné sur quoi faire, parce qu'on n'est pas des paresseux, on sort un peu. Là. Nous autres, on sort. Malgré le fait que les trifluviens sont reconnus comme étant des maudits paresseux. Bon. Alors voici, alors on sort. Salut, Joanie Gagnon. Salut, ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va bien. Très bien, merci. Génial. Donc, chronique d'art et spectacle et des sorties à faire en fin de semaine et au-delà. Oui, exactement. Et on commence ça samedi prochain, le 5 octobre. Il va y avoir Bodactan qui va être sur scène pour l'ouverture officielle de la petite grenouille de Trois-Rivières. Je ne sais pas si vous connaissez Bodactan. Oui, partenaire du journal Zone Campus. Oh! Donc, c'est ça. Ça va être rock celtique traditionnel. Et ça va être un très bon show. Ils ont déjà... Ils ont déjà été du côté de l'Allemagne, de la Belgique et de la France dans le cadre de leur tournée en support à leur album « Au diable et remords ». Donc, c'est 5 $ à l'entrée et c'est à compter de 22 heures. Cool. Celtic, octobre, Oktoberfest. Oui. D'après exactement. Moi, il y a des liens. Et de la saucisse. Oui, de la choucroute. Sinon, il va y avoir Living Crush qui va performer ce samedi, toujours le 5 octobre, au Manchester, à Trois-Rivières, avec plusieurs autres bands et des chansonniers. Donc, il y en a vraiment pour tous les styles. C'est à 21h30. Il y a des billets en pré-vente disponible au Manchester directement. Et sinon, ça va être 8 $ à la porte le soir même. Et tout ça, tous ces spectacles-là, c'est au profit de la fondation de la Maison Albatros de Trois-Rivières. Mm-hmm. Donc, c'est pour une bonne cause si vous avez envie d'aller voir ça au Manchester ce samedi. C'est fou et partenaire. Oui, aussi. J'allais le dire, mais je me demandais quand le dire et pas le dire. Sinon aussi, on a du 4 au 13 octobre, le Festival international de la poésie, c'est ici à Trois-Rivières, donc 100 jours, ça finit plus. Un tiers d'année. 10 jours, 100 poètes, plutôt 30 pays, 5 continents, 375 activités, on va même jusqu'à dire que Trois-Rivières est la capitale de la poésie, rien de moins. C'est vrai. Et c'est ça, donc il y a plusieurs activités et ça commence en force le vendredi 4 octobre à 17h. C'est l'ouverture officielle du festival et c'est à la salle Anaïs Allard-Rousseau, donc à la Maison de la Culture. Tous les poètes vont être présents, donc ça peut donner une bonne idée, un avant-goût des activités à venir. 10 jours sans poètes et une souris verte. Donc, je vous invite à aller sur leur site fiptr.com pour tous les détails concernant la programmation. T'appelles ça le filtre. Exactement. Et on a aussi ce vendredi également, le 4 octobre, au Centre culturel Pauline Julien, il va y avoir Antoine Dufour. Je ne sais pas si vous connaissez. Tony of the Oven. Non, je connais pas. Non. Non, on m'a dit des bons commentaires sur lui. Moi, je ne le connais pas. Puis on m'a dit que ça valait le coup. Oui. Genre de doser. Ça vaut le degré. Oui. Dufour. Oui. Oh! Caliente! Oui. Exactement, ça vaut le coup. En plus, on le compare à Andy McKee, qui est quand même reconnu un peu partout. C'est un excellent guitariste. On dit qu'il y a plus de 30 millions de visionnements de ses vidéos sur YouTube. Oui, j'ai vu. Même. C'est vrai que c'est impressionnant. Pour vrai, c'est le fun à le voir. Oui, ouais. Ça s'appelle Fingerstyle. C'est un style particulier de picking à la guitare. Donc, c'est ça. Il y a 6 albums de musique originale à son actif et 2 DVD. Il a parcouru, entre autres, le Canada, le Japon, l'Europe, l'Écosse et l'Angleterre dans le cadre de plusieurs tournées. Donc, c'est ça. On le compare à Andy McKee. Et d'ailleurs, c'est produit Antoine Dufour dans le cadre du festival international de jazz de Montréal, donc ça vaut le coup si vous avez envie d'aller voir ça. Ça va être ce vendredi 4 octobre à 20h au Centre culturel Pauline Julien. Quand il commence à gratter ses guitares, des fois ça se met à brûler, ça brûle. Ça brûle. Ou encore des fois il se fourre dans ses notes. Ouais. Ou encore quand tu vas au spectacle, tu mets dans la rangée du milieu comme tu mettrais la règle dans le milieu du four. En plein milieu. On les a toutes faites. L'une après l'autre. Oui. Le gratin des blagues. On s'en fait comme ça en confection. Mais pas besoin de conversation ou de... Ouais, en tout cas. Ouais, merci. C'est ça. Merci. Donc, je continue ça. Il va y avoir aussi, mardi prochain, le 8 octobre, je vous en parle tout de suite, comme d'habitude, Bradycardie, un groupe... un groupe local d'ici, un groupe de Trois-Rivières, qui ont d'ailleurs participé au festival cet été. Et leur slogan, c'est l'été à l'année. Donc, ça va être le party du côté du Cambrinus le 8 octobre, mardi prochain. De mon côté, c'est un spectacle que j'ai jamais réussi à avoir sur 8 opportunités. Okay. Puis, il y a toujours eu quelque chose qui m'a empêché d'y aller. Mardi. Donc, oui, je pense que là, je vais saisir cette chance-là parce que c'est vraiment, semblerait-il, un show à voir. Oui, bon. Exactement. Une affaire de party. C'est des vétérans du palmarès francophone, d'ailleurs, aussi. Donc, au Cambrinus, mardi prochain, le 8 octobre. Il y a aussi le 3 octobre, au Nord-Ouest, de Rusty Cat, aussi un local. Donc, c'est à 21h, c'est du rockabilly, du rock des années 50 et 60. C'est 7h à la porte. Et d'ailleurs, ce samedi, de 17h à 20h, toujours au Nord-Ouest, il y a l'Octoberfest, donc les prix de présence et plusieurs activités. C'est d'ailleurs plusieurs Oktoberfest, étant donné qu'on est dans le mois. On est là. On est là. Ceux qui en font en septembre puis en novembre, c'est des losers. Puis il y en a beaucoup qui en font, pour vrai. Exactement. Ça marche plus. Hein? Non. C'est comme le Noël des campeurs. Oui. Dépassé. Il y a aussi, j'ai trouvé le top 10 des plus belles routes et villages de la Mauricie. C'est sur blog.tourismemauricie.com. Donc, c'est ça, si vous avez envie de faire un petit road trip, il annonce beau, c'est l'automne, il y a des beaux paysages. On dit que ce soit à pied, à vélo ou en voiture, vous pouvez partir à la découverte. Par exemple, en numéro 1, il y avait la route 155 entre Shawinigan et La Tuque, ou encore visiter de nombreux points d'observation comme le parc portuaire au centre-ville. Donc, il y a une magnifique terrasse avec une vue à couper le souffle sur le fleuve Saint-Laurent. Donc, c'est super intéressant. C'est un top 10 des plus belles routes et villages de la Mauricie si vous avez envie de partir sur la route. Cool! Et je termine en vous parlant de Mute. Je ne sais pas si vous connaissez ce band-là. C'est leur 15e anniversaire. C'est un band punk rock. On écoute un extrait de Mute. C'est un groupe de muets. T'as pas un? Ouais, mais là, c'est con. J'ai perdu ma télécommande. Comment on va leur mettre? OK. Attends. Paye sur le piton. Okay. Attends, mais je vais le mettre au 3. OK. 1, 2, 3. Ouf. Une chance, hein, une chance, là. Ouf. Heureusement qu'on a une télécommande universelle, là, studio. Universitaire! Donc, c'est ça, Mute, qui va être samedi 5 octobre au Cercle. C'est 18 ans et plus. Et les portes ouvrent à 19h. C'est 10$ en pré-vente et 13$ aux portes. La première partie est assurée par 7 Days Ago et Still Insane. Donc, on peut aller en écouter un extrait, la chanson To Be With You, qu'on peut retrouver sur leur dernier CD, Thunder Blast. Donc, c'est ce 5 octobre. C'est dans la chronique à l'heure, on sort avec Joanie Gagnon. Hold on, little girl, show me what he's done. Yeah. The To Be With You. The Mute. Oui, the mute. Exactement. Voilà. C'est rare des drummers qui chantent. Oui. Encore un commentaire sur l'intelligence des drummers, c'est ça? C'est... Non, c'est parce que d'habitude, ils sont occupés. À d'autres choses. T'as-tu déjà joué à Rock Band? Oui, mais je suis très mauvais à la batterie. C'est pas ce qui vibre. Oui, c'est ça. J'ai même abandonné une chanson en plein milieu. Oh! Ouais, puis je me suis fait dire, hey, on lâche pas en plein milieu. Ouais, mais j'étais en train de failer. Persévérance, Mathieu. Ouais. Persécution. Tu me dégoûtes. Persécution. C'est pas vrai. On se reprendra. Oui, on se reprendra. On jouera à Rock Band. On a ça stock. On a acheté ça pour ses fous. On s'en est servi comme trois fois. Oui. Cool. On fera des concours. Donc, c'était la chronique Alors on sort avec Joanie Gagnon. Et merci à toi. Ben là, Caroline, il faut que je te remercie en premier, sinon j'ai la bête de dire juste merci aussi, toi aussi. Je commence en disant merci. Okay. Ça se fait. Merci à vous. C'est ça. Voilà. Merci à vous deux. Moi, je peux m'en sortir. Moi, merci à l'Académie, merci à Dieu. C'est ça. Mes parents. Non. Gino à recherche. Gino. On te retrouve la semaine prochaine. C'est jeudi, normalement, à 9h. Oui, exactement. Donc, soyez-y. Alors, on sort. Nous, ben, tantôt, on a parlé dans ses chroniques à Joanie de bradycardie. Oui. Formation locale. Te rappelles-tu dans le temps, là, quand il y avait une chanson sur le palmarès francophone? Et si jamais je me souviens de ça, j'ai vraiment une bonne mémoire. Ben, t'es bon, c'est ça le titre de la chanson? C'est ça? Et si jamais? Ah. C'était quoi les chances? C'est quoi les chances? On dirait que c'était stagé. On dirait. Comme la blague qu'on a faite tantôt sur. qu'on vient juste de faire, là. C'est ça. En rond, il s'en passe pas des affaires. On écrit des blagues, on fait imprimer le PDF après ça. On fait ça. On a un tableau rempli de jokes. Faut tout plugger ça. Bradycardie et la pièce est si jamais. Et là, je suis pas fier de toi du tout, Jean-Philippe. Non, j'ai fait une folie. Là, OK, on va mettre les choses au clair. Il faut que l'émission se termine avant 9h15. Oui. Parce que notre destiné le veut. C'est Mystique Madame Moustache qui l'a dit que la fin du monde s'était annoncée pour aujourd'hui. Oui, à 9h15. À 9h15 juste. Donc, on doit arrêter l'émission là et évacuer le studio. Et là, tu as fait une blague devant Joanie Gagnon, notre chroniqueuse spectacle. Qu'est-ce que tu as dit? Répète-le, je te mets même pas de fond. J'ai dit, on va essayer d'évacuer à temps. C'est ça que j'ai dit? Oui. C'était vraiment déplacé. Mais j'avais pas pensé qu'il y avait une demoiselle. Ouais. C'était aussi déplacé que faire une blague sur les mouvements de boyaux dans tes intestins. Tu sais? Non, mais ça, c'est moi. Ah. C'est de l'affaire déplacée. Ah, oui, okay. C'est déplacé comme du... Je pensais que t'allais dire que c'est aussi déplacé que David Ferron. Quand même, j'ai un peu de respect pour toi quand même. Te comparer à David Ferron, c'est un peu une insulte. Mais bon. D'ailleurs, Joanie Gagnon, qui hier sur Facebook, a eu une conversation entre François Landry, toi, David Ferron, elle oui, et moi. Mais en groupe privé, puisqu'on on se parlait pour justement cette émission du matin. Écourtée aujourd'hui, oui. Jusqu'à 9h15. Et là, on se disait, bon, tu sais, là, David commence à faire des blagues de Gustave. Pour oui. Ceux qui suivent l'émission depuis longtemps, Gustave et son anciennement triplé, anciennement si à moi. Séparé à la naissance. Séparé à la naissance par un docteur diabolique. Oui. Et bien québécois. Gustave est français. Porte un béret, une moustache. Oui, bien grasse. Et la baguette. Et la baguette. Alors que leur sœur siamoise triplée, anciennement siamoise, Marie Melon pêche. Marie pêche Melon. Marie Melon pêche. De la pêche. Marie Melon de la pêche. Oui, de la pêche, oui. Elle est, je crois, gaspésienne. Et a des petites mains attachées après les seins. Oui. Donc ça, c'est pour vous remettre en contexte. Et là, je sais pas si Joanie entend ça, mais c'est son contexte qu'elle avait besoin. Oui, mais au pire, on le découvrira. On va y envoyer. C'est ça. Pour vrai. L'important, c'est qu'elle soit informée. C'est fou, était là. Oui. La radio autrement. Parce que ça vous concerne. Oui, un exactement. Journal qui frappe. Oui. La radio. Avec un L-A majuscule. Oui. Est-ce que Acolyte va nous trouver un meilleur slogan que ça? On verra. On verra bien. mais pour l'instant, on écoute une chanson. Une chanson de musique jouée par des instruments. Une tune. De Baja Boulotte. Oui. Oui. Et une nouvelle entrée de la semaine passée sur le palmarès anglophone. Voici la pièce... Promise not to think about love, you know? Promise not to think about love. Yes, I promise you. Not to think about love. S'il te plaît. S'il te plaît, ça c'était plutôt francophone, je crois. Oh, por favor. Por favor. Please. Not to think about love. Bon, ben là, dis comme il faut, elle. Pourquoi on se force à le dire? Pourquoi on se force en général? Pourquoi on se force? Pourquoi on parle de sa chanson? Ça? Now I want to hear you say, are you troubled at home? If I make no hesitation when you ask me now to think about love. I don't think about love. When I see you kiss another, it won't matter. Ça en ondes, tes yeux, tes verres de contact? Oui. Vas-y. Mais t'es-tu un gars de verres de contact, toi, Mathieu? Non, mais Baja Boulotte et la pièce Promise Not To Think About Love, l'est sûrement. Oui. Juste pour dire le nom de la tune. Écoute, je m'en allais le plugger. Bien vu, Mathieu. Merci, toi aussi. Mais moi, je suis un gars de verres de contact. Oui. Et surtout parce que depuis un mois et demi, je trouve plus mes lunettes. Je pense que je les ai laissées chez mes parents la dernière fois que je suis allé. C'est loin, ça, quand même. Hein? Ben, c'est pas la porte à côté, mais c'est juste que tu vas pas là juste pour chercher une paire de lunettes. Mm. Puis moi, je les change au mois. Et puis, quand tu échanges pas au mois, ça peut. Ça devient irritant. Ça peut même endommager tes yeux, si je me rappelle bien. Comme dormir avec, t'es pas supposé faire ça. Non, c'est ça, t'es pas supposé dormir avec. Ça, je le fais extrêmement rarement. Okay. Mais là, je dois t'avouer que ce matin, mes yeux voulaient vraiment rien savoir de mes verres de contact, mais n'ayant pas mes lunettes, j'ai pas eu le choix de forcer pour les mettre. Fait que j'ai juste les yeux qui chauffent. Mais c'est tout. Oh. Finalement, c'est pas une, tant une belle histoire. Pas t'sais. Tant. Mais avez-vous les yeux qui chauffent à la maison? Notre hotline est maintenant ouverte pour vos commentaires. 819-376-5183. Pour nous parler de vos yeux qui chauffent. Pour l'instant, on prend une pause. Au retour, je nous gâte avec une petite chronique des instructions d'assemblage, mais très rapide. Oh, ça, c'est le fun. Mais puis moi, je vais mettre deux blocs de glace dans mes yeux. OK. Comme ça, ça va chauffer. Je le crache d'en face en même temps. Oui. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. De retour à Assemblage requis en ce jeudi 3 octobre 2013. Il est Jean-Philippe Charbonneau. Et mon octobre, il est Mathieu Plante. J'ai mis mon rock-top, je l'ai fait depuis beaucoup trop longtemps et je me trouve toujours aussi drôle en le disant. Oui. Enfin, c'est comme faire de la fondue, tu sais. Mais plus rock, là, c'est une rocklette. C'est une You know what I mean? Oui! Non, je sais, hein? C'est cheesy. Tu m'as dit fromage? Cheesy. Eh ben, raclette? Oui. Fromage. Maintenant, voici les instructions d'assemblage. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Agitez fermement sans trop brasser. Étape 2. Prenez quelques vis numéro 77 et boulinez ou charpente numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17. Repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas. Oui, Mathieu, ça marche pas. Marche pas? Ça marche pas. Je te dis comment ça va marcher, moi. Mais s'il te plaît. En suivant mes instructions d'assemblage. Yeah, je, bien sûr. Quand tu négocies un prix dans un magasin pour une voiture, quelque chose comme ça, fais comme si le prix était vraiment pas important pour toi. Parce que l'indifférence est une très bonne façon que les vendeurs, dans le fond, vont vouloir te faire plaisir. OK. Quand tu t'en fous. Donc, yeah, au pire, j'en prendrai pas, je m'en fous. 120 000. Yeah, ça me perturbe pas du tout. Non, c'est ça. Une vieille bouteille de lotion, de crème pour la peau, crème pour les mains, etc. Si tu découpes dans une certaine forme, là, mettons que tu enlèves le dessus complètement et que tu fais une petite encoche à l'avant de la bouteille, tu vas pouvoir l'accrocher après ton adaptateur de, mettons, iPhone, OK? Brancher l'adaptateur dans le trou que tu as créé avec ton truc et tu vas pouvoir mettre ton iPhone dedans la bouteille de lotion. Évidemment, c'est difficile à expliquer visuellement, là, mais tailler la bouteille pour pouvoir l'accrocher comme un crochet et que le devant soit une pochette. Mais si vous avez de la misère, c'est sur assemblagerequis.com. Bien sûr. Mais je trouve ça génieux. Ingénieux. Génial. Je trouve ça génieux. Génieux. Ici, juste... Non, je voulais tout le temps finir avec une petite phrase cute. Regarde pour plus tard. OK. Ensuite, allons-y avec myfridgefood.com. Myfridgefood.com, où tu peux entrer les affaires qui te restent dans ton frigo. Et ça va te dire qu'est-ce que tu peux faire avec ces nourritures-là. Genre des tout-ski. Des tout-ski. Une sauce à spag. Ouais. Une raclette. Une raclette. Est-ce que j'ai déjà parlé du chocolat chaud à base de Nutella? Non. Ben, si tu prends du Nutella, okay. Du lait, okay, et que tu mets ça au micro-ondes, ça va te donner un chocolat chaud des plus délicieux. À saveur de noisette. À saveur de noisette. Wow! Génial, hein? J'ai le goût de l'essayer comme là. Right now. Qu'est-ce on n'a plus de micro-ondes, hein? Est-ce qu'on s'en est débarrassé? Non. Il était des années 70? Il est juste encore dans nos anciens bureaux. OK. Ben, d'accord. Je sais pas où on mettrait ça pour que ce soit beau. À la chasse. Okay. Ça va fêter avec les autres. Aucun on pareil. On vous fait un don. Oh oui, c'est ça. Un micro-d'onde. Un micro-d'onde. Non, là, ça. Une cuillerée de vinaigre, une cuillerée d'eau chaude et 10 minutes au micro-ondes, ça va nettoyer ton micro-ondes à la vapeur. Donc, vinaigre, eau chaude, 10 minutes au micro-ondes. Voilà, plus d'odeur. Tiens, c'est un plâtre, un peu comme Alexandre Laramis Wiki, notre ami collègue. Oui. Zone Campus, c'est fou, etc. Il y a un plâtre, il s'est dessiné une œuvre d'art là-dessus parce qu'il est rempli de talent, bourré de tout et de talent. Donc, si tu vas sur cast2.com, C-A-S-T-T-O-O.com, tu peux leur envoyer une copie de ton rayon X. OK, mettons que tu as fait faire un rayon X pour ton bras cassé. Ils vont te faire un plâtre avec la photo dessus. Oui. Pour vrai? Oui, monsieur. Pour vrai. C'est hot. Oui. Mais ça, c'est cool quand tu pètes tout, là. Quand tout est pété. Tout est pété. Tout est pété. Everything's farting. Oui. Tout est en... si tu swipes à gauche ou à droite sur la calculatrice du iPhone, tu vas pouvoir effacer le chiffre le plus récent. À place de faire cancel, genre le 5. Un million de fois. C'est là, ça. Pour être sûr que c'est bien effacé. Moi, c'est ce que je fais tout le temps. C'est obsessif compulsif. Tac. Donc, swipe à gauche et à droite. Les chandelles vont brûler plus longtemps et vont moins couler si elles sont placées dans le réfrigérateur, dans le congélateur, pardon, pendant plusieurs heures avant d'être utilisées. Congélateur, chandelle? Avant. On va les faire brûler, bien sûr. Si vous avez besoin de changer le thermostat qui est à une température que vous n'aimez pas, comme mettons en ce moment, je trouve qu'il fait super chaud, on n'a pas le contrôle, fait que je ferai rien. Je vais juste me plaindre que j'ai chaud. T'sais. Je vais voir la fenêtre pourtant. Donc, tu peux prendre une clé. Tu sais, souvent la petite cage de plastique autour a des fentes. Oui. Clé. Et tourne le petit bouton. Ben, pas tourne, mais en fait, paye sur le petit bouton. Okay, voilà. Bon truc. Beaucoup trop penser, ça peut relâcher des hormones de stress qui va retenir le gras et qui va te faire prendre du poids. Donc, quand t'es stressé, tu prends du poids. La méditation et la course peuvent t'empêcher de surpenser. Bon, excellent. On va faire ça, on court partout. Oui. Comme, mettons, sortir lorsqu'il y a un test de feu. Mettons. Si tu perds tes lunettes, Jean-Philippe, tu m'as dit tantôt en ondes que t'avais perdu. Non, c'était en ondes. Non, c'était même en ondes, oui. On se rappelle plus de ce qu'on dit. Donc, quand tu perds tes lunettes ou que t'es oublié en quelque part et que tu cherches ton téléphone, que tu cherches tes lunettes, dans le fond, t'es dans la maison, tu cherches tes lunettes, utilise ton téléphone intelligent avec la caméra pour. Tu mets ton téléphone sur ta face pour voir de loin. Comme des jumelles, finalement. Pour vrai, c'est un très bon truc. Oui, excellent. Mettez des huiles essentielles à l'intérieur du rouleau de papier de toilette de carton et les odeurs vont sortir quand le papier de toilette va être utilisé. Oh, quand ça va dérouler. Eh oui. Si t'envoies à shelterpups.com, S-H-E-L-T-E-R-P-U-P-S, donc chien de fourrière, si on veut. Oui. Si tu leur envoies à shelterpups.com la photo de ton chien, ils vont t'envoyer un animal en plus qui ressemble à ton animal. Wow. C'est cute, là. Mais juste pour les chiens. Ouais. J'ai pas entendu parler de Shelter Kitty. Ouais, c'est ça. J'espère qu'un jour, ça va se faire. Mais en même temps, il y a trois catégories. Les noirs, les roux, puis les gris. Maudit raciste. Oui. Si tu fais tremper une boule de coton dans du vinaigre et que tu la mets sur un bleu, ça va faire disparaître ton bleu. Mm-hmm. Ça, c'est moi, ça. Ouais. Ensuite, sais-tu comment ton corps va être, dans le fond, ruiné, gâché par t'asseoir? Parce qu'aussitôt que tu t'assois, l'activité électrique dans les muscles de tes jambes va arrêter. La brûlure, le brûlage, des calories va descendre à une calorie brûlée par minute. Les enzymes qui aident à défaire le gras vont descendre de 90%. Après 2 heures, ton bon cholestérol va descendre de 20%. Après 24 heures, l'efficacité de l'insuline va descendre de 24% et les risques du diabète vont augmenter. Les gens qui ont un travail où tu es assis constamment, dans le fond, ces gens-là ont deux fois plus de probabilité d'avoir une maladie cardiovasculaire que les gens qui ont des travaux, des emplois debout. Waouh. On devrait animer debout, Mathieu. Ben, il y en a qui le font. Je sais pas si c'est à cause qu'ils sont debout qu'ils ont un aspect plutôt fendant, genre que t'as envie de sacrer un coup de poêle sur la face. Oui, mais je parle du four et non pas de la poêle. C'est parce qu'en même temps, ils brûlent des calories en même temps. C'est ça. C'est pour ça qu'ils sont... C'est de même. C'est pour ça. Ils fendent des calories. Ça fait sortir ta voix profonde de radio. Oui. Donc, il y en a qui travaillent debout, même au bureau aussi, avec leur ordinateur debout. Ah oui? Oui, pour vrai. Ça existe des bureaux debout. Il y a même des bureaux qui sont programmables et qui ont un bouton que tu peux monter et descendre la hauteur du bureau. Ça coûte vraiment cher. Ascenseur, pis tout. Oui, c'est le Up Desk. U-P-D-E-S-K. Cherche là-dessus, mais c'est vraiment cool. Et de voir les vidéos de ça, comment ça fonctionne, c'est magnifique. C'est un conseil comme ça. On revient aux balles de coton, aux petites boules de coton de tantôt pour enlever les bleus. Si vous appliquez de la vodka avec une boule de coton sur votre visage, ça va être ce qu'on appelle, je sais pas si en français c'est ça, parce que je suis pas très produit de beauté, astringent. Un astringent qui va nettoyer la peau et raffermir les pores de votre visage. Genre un démaquillant? Non, c'est comme un raffermisseur. Raffermisseur. OK. Je pense, et peut-être, c'est ça, un purifiant, purificateur. Bref. Quelque chose de bon pour ta peau. C'est bon pour ta peau, vodka. Pourquoi dire non à ça? Mm-hmm. Hein, une petite gorgée pour moi, une petite gorgée pour ma face, une petite gorgée pour moi. Oui, c'est ça. C'est ça qu'ils disent. En Russie. En Russie. En Russie, c'est la vodka qui te boit. L'odeur a une très grande influence sur les personnes envers qui tu es attiré. Donc, sentir comme le père d'une femme, ça peut te rendre 50% plus attirant. Wow. C'est pas pire, hein? Quand même. Ça va la rendre 50% plus attirant envers toi. Redémarrer ton téléphone dans une place où tu as un très faible signal, ça va faire que ton téléphone va chercher plus profondément, plus intensément un réseau et ça va donner un meilleur service. Donc, redémarre ton téléphone. Si jamais, mettons... T'es dans le bois. Oui. T'es dans la région où t'as perdu tes lunettes. Oui. C'est où, ça? À Belleuil. c'est pas si loin que ça, finalement. Non, il y a c'est vraiment un bon service. C'est ça, exact. Lantier. Ah, ça, c'est cute. Laissez un message dans la banane de votre partenaire ou quelqu'un que vous aimez. Un petit message secret. Donc, tu graves avec, mettons, je sais pas, un cure-dent ou, le, je sais pas, quelque chose de plastique. Un couteau de plastique, mettons. Tu vas graver un petit message, genre « I love you » sur la banane. Et plus tard dans la journée, le message va devenir plus brunâtre. Plus brun. Oh, wow. Ça, c'est cute. C'est cute. On s'entend que c'est cute. La Saint-Valentin s'en vient. Hein? Oui. On n'a pas déjà assez l'air d'une reprise de même en disant oui, c'est ça. C'est ça. Si tes sentiments... c'est pas si tes sentiments... Pardon, j'ai lu « feel », mais c'est « feet ». Oh! C'est tes pieds. C'est oui. Petite différence. Hein? Donc, si tes pieds ont mal pendant la journée, t'as des douleurs aux pieds. Mes sentiments aussi. Oui, tes sentiments, ça va te faire mal à tes sentiments. Oh, mes pieds m'insultent. Ah. ou insult, comme un jeu de mots avec une smell, puis une small. Comment t'appelles ça, une affaire que tu mets dedans, une smell? Une smell. Bref. Oh. Si tes pieds ont mal pendant la journée, tu peux résoudre le problème en mettant un oreiller sous tes pieds pendant que tu dors, Jean-Philippe. Il faut retenir ça. Mettre un oreiller en dessous de tes pieds. Oui. Le sang va mieux mais passer. C'est bon pour... Oui, c'est ça, exactement. Comme à l'hôpital. Qu'est-ce qu'ils font à l'hôpital? Tu lèves les pieds puis tu lèves les... Qu'est-ce qui arrive quand tu donnes du sang puis que tu tombes dans les pommes? Tu lèves les pieds. Je sais pas. Hier, j'ai pas tombé dans les pommes. Je pensais que j'allais tomber dans les pommes en donnant du sang hier. Oui, ouais, ça a bien été. Ça a bien été. On se dépêche. On doit terminer l'émission bientôt. Donc, on va aller avec le jus de citron et un petit peu de sel. À chaque matin, ça va descendre ton niveau de cholestérol et ça va te faire perdre du poids, nous dit-on. Donc, un petit peu de jus de citron et un peu de sel. Donc, jus de citron chaud, un peu tiède. Mm-hmm. Si tu frottes une tranche d'oignon sur ton pied, en dedans de 30 à 60 minutes, tu vas être capable de goûter le goût de l'oignon dans ta bouche. Ouais, je l'ai pas essayé. Pourquoi tu ferais ça, je sais pas, mais c'est un test à faire. Mettons, tu veux pas manger d'onion ring? Mais tu frottes les pieds. Ah oui, c'est ça, on devrait se faire ça. On devrait avoir des oignons ici en studio. Okay. On se frotte ça. Tu sais, là, mettons, 9h, il est vers les 9h, ou il est le matin. Ouais. Mais quand ça va être rendu l'heure du dîner, on va goûter l'oignon dans la bouche. Mais ça, chez AW, tu leur demandes, est-ce que je peux me frotter les pieds sur tes oignons? Oui. Genre. Ah, rire soutenu. Tu prends une gorgée de café. Oui. C'est là qu'on comprend le gag. Oui, si vous ne le comprenez pas, allez voir le sketch de 3600 secondes d'extase. Avec Marc Labrèche. Marc Labrèche, c'est le bonjour. Oui. On se parle en même temps. Oui. Comme ils font pas TVA, parce que c'est beaucoup plus professionnel à TV, ils se parlent pas par-dessus l'autre. Non. En fait, ils font juste rien dire. Oui, c'est ça. Continuons dans les faits insolites. Les Canadiens, oui, en effet, les Canadiens. Oui. Si tu veux avoir des rêves lucides ce soir, bois quelques verres de jus de pomme avant d'aller coucher. Ah, tu vas faire des rêves lucides, tu vas te rappeler de tes rêves. Mais ça donne aussi envie de pupille. Oui, aussi. Et finalement, ma phrase cute de la fin de la semaine, de la fin d'instruction d'assemblage est la suivante. Si tu traites quelqu'un différemment, même plus gentiment à cause de leur race, tu es quand même raciste. Oh. Non, mais c'est vrai, c'est la discrimination positive. Oui. Tu sais, il y a des compagnies qui ont des quotas de devoir engager des personnes à mobilité réduite, tu sais, justement, les culturellement parlant, c'est ça. Autochtones. Mais c'est ça, ça reste quand même du racisme positif. Voilà. C'est cute, hein? Voilà pour les instructions d'assemblage. Retrouvez les liens sur assemblagerequis.com. Nous, ben, comme on l'a dit plus tôt dans l'émission, c'est le moment de se quitter. Nous quittâmes. Oui, nous quittions. Oui, nous devons nous quitter. C'est notre destinée. Mystique Madame Moustache nous a dit que la fin du monde arrivait aujourd'hui, jeudi 3 octobre à 9h15. Oui. Il nous reste 2 minutes. Moi, je suis stressé. Mais voyons, on va mourir ensemble. Il n'y a rien de plus beau. OK. C'est exactement comme dans la chronique de François Landry. On continue à animer jusqu'à ce que mort s'en suive. D'accord, parfait. On se retrouve lundi à 6h30 en direct à 7h30 avec entre autres la collègue de Laurent Constantin, La Luitte et Maxime Tanguay. Restez là pour le dîner de con à 11h. Après ça, je vais être de retour à 15h pour les Palmarès C'est fou. Oui, monsieur. Et demain, il y a les meilleurs moments entre 7h et 10h. Les meilleurs moments d'assemblage requis et du dîner de con. Ça repart samedi midi. Il y a plein d'autres choses à écouter. Bonne fin de semaine, Jean-Philippe. Une très bonne fin de semaine à toi, Mathieu. J'ai été là au complet pour la deuxième fois. C'était un honneur de t'avoir toute la semaine. Oui. Et on se quitte là-dessus jusqu'à ce que mort s'en suive. La fin du monde s'en vient. Bye! Bye. C'est un peu plate, la fin du monde. Hein? Oui. Ça se passe pas grand-chose. On dirait que c'est comme une aparté. Ouais. Moi, je m'attendais à quelque chose de spectaculaire. Ouais. Maudit. Finalement, c'est un peu poche. Ouais. Ouais. Mais on aurait dû continuer à faire d'autres choses. On aurait pu. Je vais prendre une gorgée de café. Prends une gorgée de café. C'est du bon café. Ouais, c'est bon. Veux-tu faire une aparté? Oui, je peux bien. Moi, la fin du monde, là, je me l'imaginais un peu plus grandiose. Je m'imaginais des arcs-en-ciel partout, des bombes, du feu. une toune de Vivaldi. Je suis tellement déçu. Je suis déçu que la fin du monde soit aujourd'hui. Mais je suis quand même content de la vivre avec toi, Mathieu. Merci, Téphane. Au moins, on vit quelque chose. Ouais. C'est ça. C'est ça. Mmh. Si seulement c'était rien qu'un test de feu, puis qu'il fallait juste quitter le studio pour qu'il fasse un test de feu, puis une alarme pour que ça sonne en onde. Si seulement c'était juste ça. Si c'était juste ça. On n'aurait pas besoin d'une carte Mathieu. C'est tellement plus simple. La vie, c'est plus. Hey, bonne fête de semaine, j'ai. Bye, Mathieu. Bye. Je suis content d'avoir fait une aparté. Moi aussi. D'ailleurs, je vais faire une aparté sous mon aparté. Ok, parfait. J'aime ça faire des apartés. Oh, wow! Oh. Moi, les apartés, des fois, ça me donne des frissons. Je suis un peu nerveux en dedans, parce que je me dis, j'ai-tu être capable de dire quelque chose? À en date, même temps, pas ça. Non! je dis toujours quelque chose, mais en même temps, ça veut pas toujours dire quelque chose. Fait que, c'est pour ça que je suis nerveux. Je pense que je vais faire pipi dans mes culottes. Tu penses qu'on peut demander quelqu'un au nettoyage? Je suis nerveux. En plus, je sais qu'il va y avoir une alarme de feu. Nettoyage à l'étroit. Nettoyage à l'étroit, s'il vous plaît. Un commis demandé. Puis en plus, je sais pas c'est quoi le prix de ce café-là. On va pouvoir demander au commis. C'est la pire aparté que j'ai. Vraiment. C'est la pire aparté que j'ai jamais faite. Ben oui, c'est la première. T'en as fait trois à date. Oui, c'est ça. Ben ça compte, c'est une deuxième dans la première. OK. Bon, OK. Mathieu, tu veux-tu en faire une? Ben non, je pense. Non. OK. On en fera une lundi. Qu'est-ce que. C'est la situation. Ça commence. Tu l'entends-tu? Oui. Faut y aller. Bye.